Simon Lungalala. L'amour, ce n'est pas seulement se regarder l'un l'autre. C'est aussi regarder ensemble dans la même direction. Pibi, est-ce qu'il y a le bimabé? Tant. Si l'amour est un crime, on ne peut jamais se passer du complice. Pourtant, il y a un petit kinalo, colombo, pas si prime, filigrane, nango, Simon. Tocha, bah, effet. Pourtant, il y a un alaki, valeur nana ajoutée. Lélo, absence, naïo, Simon est comique, au pesé. Nabongo nana, ben somni, bébou. Sentinelle, kouta, zwaka, pungi. Alex Fumonti, hymne national. Zameli Sumunanga nini na koufeli nelo lango. Est-ce que Kolinga yo Simon y komili sousou blasphème? Namango manyo so basenga kase bolingo. Yebisanga ninyo lingi. Me Kolinga maloko l'apôtre pona yezo. Simon mon bébé. Y'a Jean Vamba no Mokonda Moka. Lala Simon, yo kata kiri pour ya vida mon nanga yo posa. Qui traîne en pierre à construction, y même la ma plaisir. Yelo inachevé. Eric, ça sale à la classe. Hé, naï, pauvre femme malheureuse. Naluka nami benanza toka simote metingami Simon. Lunga lala zala ki pene nanga lelo komi éloigné. Ma benanga nini lobelanga Simon Norba Luntala. Nzambeli sumunanga nini na kufeli ndelo lango. Est-ce que kolinga yo Simon e komili susu blasphème? Na mangomba nyonso basenga kase bolingo. Yebisanga ninyo lingi. Olivier Weber. Me kolinga nga loko l'apôtre pona Yezu. Simon mon bébé, mon bébé, mon bébé. Simon, yo kata ki ripon ya vida. Jamal, fils Mkunku. Ki premia pira construction. Deo Mangomba. Gas Mabaya. Lungalala Simon, œuvre d'art naturel. Lungalala Simon, yo kata ki ripon ya vida. Jean-Jacques, qui fait pour Jerry Banza, Ruffin Tibambi, Mbokasika, chez Papi Tolas, very strong, JC, Jitoka, et le grand Philippe Benza, la capacité, Flobi Mbimbi, Maître Z, numéro 0, Escalaza, Dilect Poli Osako, Roger Bolamba. Et le grand Philippe à la capacité. Freddy Boutouna Tapi Rouge. Jean-Willy Yaba. Escalaza. Mania Tabala. Bayo, je me souviendrai. Eh naïe, mon ouem et ma. Evansiona, Adiataki, Fredo, Patibo. Nego migo de la netina bungi si moto. Gino Bass, Kilo aboli, Mbongala la bame makato. Grasse Mbisi, Osali kakasi kanti me beta la ka bebe. La sexy, Mbredi nengi nana nova kayo. Albertine, Kata nengi nana kaka kayo Simo. Banona, Sepoti nonga na kifa kayo. Alsi Banona, Sepo nengi nana lela kayo. Sunda la police, Kangabango. Naguta ki repaya bonheur. Yves Sekula. Grâce à moi, y'a Simon Lunga la lansilou. Dila Redou. Souris tendre, sorcellon, y'a la joie. Edi Lungo. Combiné na caraspe, douceur y'a bébé. Oscar Apinia. Simwe bon moi, milélo, purgatoire. Olivier Mirazi. Zangi Bolingo na komiko, purge peine à désespoir. J.R. Kondo, monsieur le maire. Eh, boli moi, Jean-Marie Delo. Eboli mwa blaise ou les mambos. Eboli mwa nina paï mousseï parasoukou. Ebolingo, bolingo Mathieu Kamani. Brader ma vinga zoa ballon, sarana nango. Hélène Branco gauche droite, yamango bien. Et le grand Philippe Zalaka Passinandimi. Clément Moubenga. Maître Makaya. Patikembo. Escalaza. Dix. Deba chéri, Pamela Tumba, l'honorable Chico Tshisongo, kabamba le par sec. Tristan Mouyumba, Massa Dylan, na Monaco. Et l'encore fait les la capacité. Arthur Gani Mandouji. Si maman la baisse, si toi t'as mon capital. Poison mon côté. Escalaza. César Nati, c'est pour Papito Mwanda. Et ta boque là, oui, c'est un cœur de la main, aussi mal ou mal. Dale, Loulou. C'est tout, c'est des fils, oui, c'est un si mal. Paul Mouyumba. Yayangalala. Manata Valentin Kimbiki. Yayangalala. Adolphe Monte bâti la mouina. Les canards pensilons dit des mots pour vingile. Yayando. Edwige Moto. Hey, Bolingo, Bolingo, King Makadi. Aïe, aïe. Willy Moucheni, Yarita Kifakio. Hey, Bolingo, Bolingo, Walter Ngalula. Nene Diamboana, Yarichard Lukombo. Hey, Bolingo, Bolingo, Alex Luyeye. Bado Martens, l'éléphant du golf. Sandra Kazadi, Lisa Siatouka. Rajungo MSFR Multimédia. Magali Talo, Mamana Chadrak. Et Bolingo, Bolingo, King Makiadi. Un Canadien de plus au Congo. Jires Kembo, Zoa Ballon. Sakana Nango, bien. Brice Onema, El Capo, Tirango bien. Johnson Ketou. Ça c'est YB carré. Yembande, Betande, Binande. Brigitte Teka. Yaïki. Yaï Kabala. Judoka Luyalu. Yaïki Ko. Yaï Kabala Bala. Kusimba Ve Mokosa. Flor Mokolo. Emeki Dimbu. Kinabel na Montréal. Demi-mort, demi-vivant. Shido, Shidomène. Matumabi. Yapitou Moulumba. Le buteur Nzola qui somme. Soa, ma, Sarana Nango, bien. Le Ribilonda, hey, Simba Mobia, Nana Bombère. Blaise, mon père, Yoka. Laurent Sokoko, Elenge Cotelier, Tina Dino. Nazana Pasio, Guillaume Spoula. Benassili, Soni, Sino, Kazadi. Pourquoi Yonio Konga, nana bona nana nzoto nanga, if ma swimme. Noli tambo trois façages. Fumon pa Adolphe Mouzitu. Oyoki nusa ya pani king keste remeneya. Mela kambe. Jamata masikini. Mema table tura mbuma.